circule en agglomération. Je dois prévoir un intervalle de sécurité d'au moins 1 mètre en dépassant ce cycliste. Mais avant d'entamer la manœuvre, je suis tenu de m'assurer que l'espace est libre vers l'avant. Ici, le véhicule blanc ne me permet pas de dépasser dans l'immédiat. J'actionne mon clignotant et j'attends de l'avoir croisé pour dépasser le cycliste en toute sécurité. Réponse A et C.